Et ouais, pour moi, dans les années 90, Muse, c'était l'album Showbiz, extraordinaire pépite que j'ai écouté et réécouté, mais depuis, un petit peu morne-pleine. Et puis là, pendant ces vacances 2022, j'écoute un truc qui me surprend. Je Shazam, et qu'est-ce que je trouve ? Le dernier album de Muse, le titre c'était Will of the People. Allez, je fais mon vieux con, mais franchement, le Muse des années 90, c'était largement au-dessus. Mais bon, en version live, ce Will of the People est pas mal. Donc on enchaîne un deuxième titre de ce dernier album du Muse. On écoute toujours en live, Kill or Be Killed. Yeah. Mais la musique, c'est pas simplement que l'énergie de Muse, c'est également la douceur de la belle Adrianne Lenker. C'est également le retour sur l'avant-scène de Alt J. Vous vous rappelez, ces gars qui chantent un peu bizarrement une guitare, une batterie et un synthé. Moi, j'adore, surtout en live, même si je sais qu'ils ne feront jamais l'unanimité. Alt J, You and Me. Smiles. stay for the rest of my life. I get hold on to the memory of a day for the rest of my life. I get hold on to the memory of a day for the rest of my life. I get hold on to the memory of a day for the rest of my life. Il est 17h20, vous êtes bien toujours dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin et il est l'heure de se faire mes petits chouchous du moment. Ouais, un groupe français qui chante en anglais avec un pseudonyme pourtant très français, Animal Triste, avec un premier titre, Mary Full of Grace. Lundi entre 17h et 18h, vous écoutez Pop and Rock sur RVR et on continue avec un deuxième titre de Animal Triste. It's been running in my veins. j'ai longtemps cru que Arcade Fire était un groupe anglais et du coup, ça me faisait beaucoup rire qu'ils aient fait une chanson qui s'appelait John of Arc. Ouais, et puis un jour, je me suis rendu compte qu'ils étaient canadiens. des Canadiens qui chantent en anglais aux Belges qui chantent également dans la langue de Shakespeare, passons de Arcade Fire jusqu'à Balthazar avec le morceau Moment. Vous êtes bien dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Qui a débuté notre 187e Pop and Rock, Franz Ferdinand vient de sortir en 2022 un nouvel album. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté non plus, j'ai trouvé quelques petits trucs sympas, même si franchement, encore une fois, les années 90 c'était bien mieux. Mais pour l'instant, on écoute Curious du nouvel album de Franz Ferdinand. Page, tension and to left on a dark stage. Et pour que vous puissiez vous faire vous-même votre avis, en 90, enfin dans les années 90, Franz Ferdinand s'est donné ce truc-là. Allez, vous êtes toujours dans Pop and Rock, et là maintenant, j'ai envie de partager avec vous un autre de mes coups de cœur. Après les Français de Animal Triste, j'ai découvert quasiment en même temps des Berlinois. Les Berlinois qui ont près de 40 ans de carrière, puisque leur premier titre que j'ai trouvé remontait à 1986, et ils viennent de sortir en 2021, ouais, on a quelques mois de retard, un nouvel album duquel j'extrais Not Even Trying. On écoute Pink Turns Blue. We're not even trying. We'll be right back. Comme pour Muse, comme pour Franz Ferdinand, ce soir, je vous envoie Placebo avec leur dernier titre, Happy Birthday in the Sky. Et pour le coup, je dois bien avouer que là, franchement, j'adore. J'adore peut-être, mais pas au point de la version live de Every You, Every Me, la bande à Brian Molko, Placebo. Allez, Pop & Rock, c'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez passé 59 minutes et 57 secondes de bonheur. Je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Choose not to do.